Ces matins-là sont trop pénibles. Quand même dehors le temps est gris. Et d'ailleurs dedans aussi, y'a les jours sans, les jours avec, ce sera sans, je te le parie. Y'a mon caca qui a mal fini. Je vais devoir frotter une heure et demie. Et puis je m'emmerde, ça n'arrange rien. Et comme on dit, le malheur des uns, chacun sa merde, oui j'ai compris. Aidez-moi. Je suis si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Encore une bonne journée de merde. Comme une journée de confinement. Comme une journée d'anniversaire. Passer la barre des 35 ans, franchement, à quoi ça sert? Un peu comme moi, tout le monde s'en fout. Quand je serai plus là, est-ce qu'ils seront tristes? Remplis mon verre jusqu'au bout, parce qu'il est à moitié vide. Pessimiste, pas du tout. Aidez-moi. Je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. L'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur, mais j'en ai marre d'être déprimé. Et ça me déprime d'en avoir marre. Mais à quoi bon me réveiller? Je préfère dormir toute la journée si c'est pour vivre ce cauchemar. Mais pourquoi j'ai plus de peine que les autres, alors que les autres n'ont aucun problème? D'ailleurs, est-ce que tout ça, c'est pas de leur faute? À ces égoïstes au bonheur obscène. Je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Y'a l'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur, mais...